Bonjour à tous et toutes, bonjour aussi aux autres, bien entendu vous entrez dans Plus Fort J'entends Rien, le mag d'actu tout terrain en direct le mercredi à midi et qui aujourd'hui ne sera rediffusé que jeudi à 8h du matin, je vous expliquerai pourquoi juste après. C'est un mag entièrement consacré aux nouveautés musicales et à mes derniers coups de cœur de cette saison, de cette fin de printemps, de ce début d'été. Ces disques qui, dans notre petite synthèse du mois, la Feralist de Radio Dio que vous retrouverez bientôt sur le site web de Radio Dio. Eh oui, tout ça est très cohérent. Ces petits disques donc qui m'ont fait un petit peu battre le cœur et dont je n'avais pas encore eu le temps de vous parler ces derniers temps. Et on va commencer par un projet local comme coup de cœur de la semaine, même s'il y a beaucoup de coups de cœur qui se combattent et briguent le podium dans mon cerveau. On va commencer par Claire Days, c'est un projet folk régional puisqu'elle vient de Lyon, elle a déjà sorti un EPLP, je ne sais plus bien, et là elle s'apprête ce tout début juillet à sortir un album de remix assez iconoclaste par rapport à son esthétique de départ qui vont la faire traverser les histoires d'électropop un peu bizarre, un peu plus dansant, un peu plus perché, psychédélique même parfois. Et Claire Days sera à l'affiche d'un festival de découverte musicale, un festival où il n'y a pas de star, un peu le start de ces festivals de l'été justement, puisque ce sera le vendredi 30 juin et samedi 1er juillet que vous pourrez planter votre tente par exemple à Curie au Mont d'Or pour le Horsfield Festival avec un plateau au milieu d'une clairière et l'occasion de découvrir de très bons groupes qui vont du rock, de la folk, de la new wave et puis pas mal d'autres choses un petit peu que vous mettrez dans les papilles de vos tympans. En l'occurrence, il y aura You Said Strange de George Kaplan, Conspiracy, Venin Carmin, Claire Days, Madab, TV Sundays et beaucoup d'autres que vous pourrez retrouver donc un petit peu du côté de l'Arbrel. Là-bas, nous avons des invitations, des passes à vous faire gagner pour ces 30 juin, 1er juillet. Si vous appelez au 04 77 438 895 ou si vous nous envoyez un mail à contact@radiodio.org. Je vous laisse tout de suite avec The Ground. Claire Days, remixé par Lucie dans le ciel, à l'instant pour commencer ce Plus Fort J'entends Rien. Ça commence en douceur. My head on his shoulder, grateful for the years. Claire Days à l'instant sur le 89.5 de Radio Dio. Et je vais poursuivre avec une présentation coup de cœur d'un label qui existe depuis fort longtemps, plusieurs dizaines d'années comme on dit. Il s'agit du label parisien Prohibited Records qui a connu de belles heures de gloire dans les années 2000, début 2000 un petit peu, Prohibited, car ce groupe a été monté par un groupe qui s'appelait Prohibition, si on a un accent français, puisque c'est un groupe de Paris, avec notamment les deux frères Loro qui étaient pas mal aux commandes. Ça a été une période où il y a pas mal de disques qui sont sortis, je pense notamment à Elio Gabal, Peur, Soeza, Patton, pas mal de disques de noise, de post-truc bizarre un peu branque, de hardcore un peu retenu, et qui a, en tout cas moi, largement abreuvé mes oreilles dans ma post-adolescence. Le groupe s'est au fur et à mesure avec le label transformé, avec des projets plus folk, des projets plus post-rock, un peu plus doux, un peu plus électronique, bref, sans doute la vieille rive, me direz-vous. Et là, eh bien, il se trouve que celui qu'on appelle Don Nino, alias Nicolas Loro, chanteur de Prohibition de Don Nino, guitariste de NLF3, vient de sortir un disque en duo, un disque de reprise avec une invitée de marque, puisque en la personne de Françoise Brut. Françoise Brut, qu'on a découvert beaucoup en tant qu'acolyte de Dominica il y a pas mal d'années, et qui officie depuis en solo avec de très bons icos toujours, et de très beaux disques et de très beaux textes. Ici donc, eh bien, pas de compo, que des reprises qui leur tiennent à cœur, des gros tubes de tous les gens qui ont eu les oreilles bercées par le rock un peu tordu. Ça s'appelle Covers Songs in Inferno, c'est sorti il y a quelques temps déjà. Et je vais l'enchaîner avec un autre disque qui va sortir sous peu, ce 31 juin prochain. Nicolas Loro, toujours, donc le même, a rencontré un chanteur afghan, quelque part dans Paris, un chanteur afghan qui s'appelle Atkula Amiri, et ils ont décidé d'enregistrer un disque ensemble qui mélange le chant afghan traditionnel et une musique assez planante, psyché, assez cinématographique. Ça s'appelle L'Antenne des Lilas. Il y a une espèce de disque concept sur ce EP que vous retrouverez uniquement en numérique, j'ai l'impression, sur la page Bandcamp de Prohibited Records. Voici donc Don et Françoise et Atkula Amiri et Nicolas Loro enchaînés sur le 895 de Radio Dio. Get up. سان دیوان شوی مرا دیوان کلی او سان دیوان شوی مرا دیوان کلی هزار بار نصیحت کردم سالم سچالو بان کلی او سان دیوان شوی مرا دیوان کلی او سان دیوان شوی مرا گفتم بلا پخت کن گفتی خلاشت نمک گفتم خرچکم بکن چشمک کشیدی عبلت خوار خان دایت جل کردی ماندی دیگی سمنک خیرات با نکدی میلی زنا نکدی او زن دیوانه شوی مرا دیوانه کدی او زن دیوانه شوی مرا دیوانه کدی هزار بار نزید کلمه سرم سچالو بانه کدی تربیه اولاد تا خود سد و نازدانه کدی او زن دیوانه شوی مرا دیوانه کدی او زن دیوانه شوی مرا دیوانه کدی او که دادم اجازت وقت گفتی با غای صد با نرجر کدی با قوم و بیادرای یک مزاقتت کدام گریه دروغا نکدی او زن دیوانه شوی مرا دیوانه کدی او زن دیوانه شوی مرا دیوانه کدی Sauvage, impertinent, radio, dio, radio, dio, 89.5 FM. On continue les découvertes musicales de Radio Dio et de la programmation de celle-ci. Et là, je vais vous parler d'une musicienne berlinoise. Le projet s'intitule Kid Be Kid. Et c'est un projet solo, mais pas vraiment, puisque Kid Be Kid, eh bien, elle arrive à chanter, à jouer du piano, des synthés et à faire du human beatbox en même temps. C'est une performance assez impressionnante, mais au-delà de la performance, eh bien, il y a la couleur, des pianos jazzy, des grooves de R&B funky un peu froid, des nappes de synthé un peu science-fiction, des patterns électroniques, sans doute quand même quelques machines et de la bouche qui fait les rythmes. Tout ça avec quelque chose de... assez cassé, assez original en tout cas dans les structures, ça change, ça surprend beaucoup, un chant soul ou rap en fonction des morceaux. L'album s'intitule Truly Alive Goal et c'est sorti sur le label Fun in the Church. Kid Be Kid donc tout de suite sur le 895 de Dio avec le morceau Get Up. Get Up. What should I do to finally wake up? Second coffee and it kicks at one. Now I want it and it's a good run. Get up. free, and a chance one, and a chance two, and a chance three. Where does city wait to spend the day? Cannot explain the stupid pain of wasted time, and it turns nine. I'm starving, it's dark. Forgot to satisfy myself, and I start to write when it's midnight. The streets lead deep as the drip is the flow of dark. The bliss is hopefully true. Is it the monster looking sweet? Eating soul sad, or is it me? Bum bum bums, I have to see the free fear. D'écouter Speech de Belle à l'instant, une rappeuse anglaise de son vrai nom Corinne Elliott, qui est née à Londres en 83 et qui a sorti son premier album Speech Therapy en 2009. Ça commence à faire un moment. Je vous avoue d'ailleurs que c'était à l'occasion de cet album que je l'avais vu en live aux Eurocaennes de Belfort, quand c'était encore un festival fréquentable où on prenait des tartes musicales pour de vrai. Et là, c'est donc Speech Bubble qui ne s'est jamais arrêté, qui sort un nouvel album qui s'intitule Sunday Diner on a Monday. Le label, c'est Monday Sessions. Speech Bubble qui est un peu connu en Angleterre maintenant, notamment parce que en fait, c'est une grande cuistot et qu'elle a fait un peu l'équivalent Top Chef à la télé anglaise. Donc en fait, j'imagine malheureusement qu'elle est peut-être même plus connue pour ça que pour son très bon rap et un très bon disque qui est quand même largement ancré dans le boom bap, qui arrive à, dans les prods, avoir des petites influences un peu modernes, mais qui reste quand même dans une vraie tradition du hip-hop des années 2000-2010. Le nouvel album, sachez-le, pour qui n'est pas anglophone, est beaucoup centré sur son entourage, famille, amis, l'ADN ancestral des afro-britanniques, dirons-nous, et avec une romance un petit peu afro futuriste, semble-t-il, sur l'ensemble du disque. Je vous avoue que j'ai un peu pompé tout ça et que je ne le sors pas de moi-même. Voilà. Donc écoutez Speech Bubble, bien entendu. Radio Dio, 89.5 FM. Et mon prochain coup de cœur, je vous en ai parlé souvent, il s'agit du projet Equity Sound. On reste en Angleterre, puisque c'est de là-bas que ce projet est né, sous la main de maître de Leke Awoyinka, d'origine nigériane, et qui sort un nouvel album intitulé Drum Money. Ça sort sur le super label belge Kramdisc, que je ne vous conseille à petit peu près à longueur d'émission, désolé. Beaucoup d'invités, beaucoup de featuring pour un album extrêmement varié qui mélange des traditions nigérianes, le Fuji, le Juju, l'Afrobeat, et puis la culture un peu dance floor anglaise, de UK Garage, de House, de Drum and Bass, et bien sûr beaucoup de hip-hop, quelles que soient les générations du son, du rap. Tout est mélangé dans ce Drum Money de Equity Sound. Je vous propose tout de suite un extrait, il s'intitule Mami Wata. À l'instant, c'était What I Do Archive Group, qui a succédé à Equity Sound sur le 895. Plus fort, j'entends rien. Donc, et ce groupe qui sort tout juste un album intitulé Place of a Thousand Sounds. Ça sort sur le label de Soul, très recommandable, Record Kicks. Ce groupe est bien largement ingurgité des musiques de BO, beaucoup de funk, deep funk, et est né en 2009, ça vient du Nevada. Pour la petite histoire, ils se sont même formés et créés, ont décidé de faire ce groupe dans le désert du Nevada. Ils viennent de Reno, ce sont de gros diggers, collectionneurs de vinyle. Et qui produisent donc depuis 10 ans cette musique assez cinématique. Ils avaient sorti un premier LP de Black Stone Affair, et là on continue dans un funk spaghetti western qui je trouve est enthousiasmant du début à la fin, très varié, assez riche, qui alterne bien les ambiances. Record Kicks a sorti aussi le disque du groupe Calibro 35, Calibro 35, ouais, un groupe italien qui ont un peu la même couleur. J'ai beaucoup aimé ces deux sorties de ce label que je vous conseille à nouveau, bien entendu. Dernière proposition, et cette fois elle est régionale, puisque je vais vous parler de Sourdure, ou plutôt Sourdurent, il y a Sourdure au pluriel. À présent, Ernest a été rejoint par des acolytes de fort bon goût, n'est-ce pas? Et du coup, eh bien, on a rajouté du banjo, de la vielle et du chant, un peu plus de chant à son projet Sourdure, sans NT à la fin, Sourdure Solo, qui était précédemment sorti et qu'on vous avait beaucoup joué ici. Cette fois, ça sort sur le label suisse des disques Bongo Joe. Et ben voilà, le groupe a décidé complètement de massacrer la tradition des musiques occitanes avec énormément de respect. Et c'est un disque enthousiasmant qui oscille entre bal folk, ivresse bancale et titubante, blues et autres joyeusetés. Ça mélange tout et ça recommence. Voici tout de suite un extrait de cet album « L'herbe de détourne ». Et l'extrait que je vous ai choisi s'appelle la Dumen Chada sur le 895, Sourdure. Thank you. L'herbe de détourne du groupe Sourdure, S-O-U-R-D-U-R-E-N-T, le N-T ne s'entend pas, donc sorti tout récemment ce mois de juin. Et voilà, nous nous approchons de la dernière ligne droite de ce plus fort J'entends rien, en tout cas dernière ligne droite de mes propositions avant de vous partager les coups de cœur de la Ferrarock qui sont fort enthousiasmants cette semaine. Et je voulais finir ma sélection par une artiste assez discrète et pourtant à la carrière dense et malmenante, en la présence de Léonore Boulanger. J'ai essayé de suivre et de vous partager plusieurs fois ses disques. Là, elle sort un disque en duo avec Jean-Daniel Botta. Le titre est toujours, un peu comme d'habitude, assez surprenant pour cet univers un peu surréaliste. L'album s'intitule « Un lièvre était un très cher baiser ». Ça sort sur le label Le Soul. Et elle qui, j'avoue, maligne la langue francophone de très belle manière est complètement niquée. Là, eh bien, chante intégralement en allemand sur cet album. Et on reste dans des sons de boîte à musique ivre, voire conscience modifié, quelque chose d'assez bancal, d'assez bricolé, de très chaud, très analogique dans le son, et un univers un petit peu enfantin pour des rêves assez étranges. Voici donc Léonore Boulanger et Jean-Daniel Botta sur le 895 de Duo. Radio-Duo, 89.5 FM. Et c'est maintenant, pour ce final d'émission, le moment pour moi de vous présenter les coups de cœur de la Ferrarock. Ce sont les derniers coups de cœur de cette saison, puisque à partir de la semaine prochaine, notre réseau fera une pause sur l'émission mutualisée et sur la sélection de disques qu'on retrouvera à partir du mois de septembre. Et cette semaine, je suis fort enthousiaste de vous présenter ces coups de cœur, parce que alors là, ils rejoignent complètement les miens, et ça fait super plaisir de défendre de bons disques à 30 radios de cette manière, et notamment eh bien, ce nouvel album du groupe Broken Waltz qui s'intitule Fables and Bones, qui est sorti le 26 mai dernier, il y a quelques temps déjà, et qui fait suite un petit peu aux précédents sorties l'année dernière, me semble-t-il. C'est du blues baltringue, du cabaret Tom Waits, du punk encore bourré, c'est beaucoup d'ivresse finalement dans mes dernières sélections de cette fin d'émission. Le groupe, peut-être avant, vous ferez le lien, parce qu'on l'avait joué aussi pas mal, s'appelait Buck. Il s'est rebaptisé donc depuis deux disques Broken Waltz. Et c'est vraiment un super album pour accompagner pas mal de moments de la vie que vous choisirez mieux que moi, car après tout, c'est vous qui vous connaissez et je ne vais pas vous donner de conseils d'écoute jusqu'au bout non plus. Voici donc Broken Waltz sur le 895 de Duo, que j'enchaînerai avec Meul. Je vous en parle juste après. « Je vais finir ce Plus fort j'entends rien avec le deuxième coup de cœur Ferra de la semaine. Il s'agit d'un trio, qui est vraiment excellent, qui s'appelle Meul. Ils sortent un nouvel album, ça s'intitule Beau Red. C'est sorti le 23 juin dernier, en coprod chez Figure Libre Records, label de Vendôme qui publie 99% de la scène tourangelle, et avec le label belge Leuk Music. C'est clairement de la musique de trance, un trio batterie, guitare et clavier, hypnotique, ultra dansant. Ça s'ancre dans tout ce qui peut s'ancrer de psychédélisme ultra remuant du corps. Il paraît que c'est vraiment un super concert à voir. Ils ont mis par terre le Printemps de Bourges et les trans musicales. Et sachez que cet automne, ils mettront Saint-Étienne par terre puisqu'ils se produiront sur la scène du Fil au mois de novembre, me semble-t-il. Mais vous pourrez le vérifier aussi bien que moi. Je vous fais confiance. Beaucoup de morceaux longs, donc un morceau quand même dans un découpage qui en fait finalement est un demi-morceau que je vais vous diffuser. Ça s'intitule comment ? J'ai perdu mon titre. Ben voilà. Ça s'intitule Nos couchettes, mais c'est la partie 2 que je vous joue. Et c'est sur ces notes que je vous souhaite une excellente suite des programmes. Prenez soin de vous et de vos autres. Ciao.